Des fois j'ai tellement la rage que mon cœur est un orage. Moi, j'ai tellement la rage que je tombe par terre.